שמוכת סס. On a les crottes, vu que des parents gèrent ça. On domine, je sais que ça gêne ça. Mieux au monde pour faire ça. Animal, on les tous. Ici, vent, c'est tout. Des vainqueurs, on a les top. On étonne depuis des lustres, on fait que ça. Verman, y'a que ça de vrai. Maestro, y'a que ça de vrai. Enragé pour la course au lové. Même en gage trop dangereux. Dans ma jungle, c'est nerveux. Les nervures renferment la lave. De la misère, de la rage, m'en lave. Avec un rap trop sauvage, les couilles bien placées. Les cartouches bien rangées. Mes vautours épaulés. Reste poli, si c'est rude. Donc on s'équipe, J2M section Mouftar, connu l'équipe. Que des mouglis dans le périmètre. Affamé, on est venu surprendre les envieux comme les traîtres énervés. Calme-toi ici c'est hoche, malgré le soleil ici c'est moche. On veut de l'or, sans vendre nos proches. Et nous la cage, J2M maestro débarque en masse. Beaucoup de rage, pas assez de place, trop de classe. J2M, J2M, but ceux qui enferment, ouvrez-nous la cage. J2M maestro débarque en masse. Beaucoup de rage, pas assez de place, trop de classe. Maestro, maestro, si moi c'est barreau. Rap animal, rap de chacun. Rap animal, rap de chacun. Rap animal, rap de chacal. Rap plein de balles, J2M trop la dalle. Mourad, le petit nouveau, vient dégainer les crocs. Tire en gaine et malmène le micro. Mi homme, mi faux, mais vrai, pas faux. Mes rimes frappent les faux, on est des bêtes de zoo. Du 8-3, on vous fait flipper comme dans Saut 3. Trop de fois, trop de fois, trop de merde à la fois. Oublie tout ça, nous on continue le combat. On s'arrête pas et on emmerde l'état. Regarde notre état, cerveau faya, cerveau rap. Fatal, fatal, brutal, marre du tribunal, marre de toutes ces failles. Ma jungle est libre et sa loi vibre. Survie, c'est notre bible, tout soudé, on vise qu'une cible. Ouvrez-nous la cage, J2M maestro débarque en masse. Beaucoup de rage, pas assez de place, trop de classe. J2M, J2M, but ceux qui enferment, ouvrez-nous la cage. J2M maestro débarque en masse. Beaucoup de rage, pas assez de place, trop de classe. Maestro, maestro, si moi c'est barreau.